بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله mes frères et sœurs. Aujourd'hui, le mercredi 13 Ramadan 1441 de l'Hégire, correspondant au 6 mai 2020. Nous nous retrouvons pour poursuivre ensemble, bi'idhnillah, l'étude de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam à partir du livre de l'imam Ismail ibn Kathir rahimahullah ta'ala, qui est décédé en l'an 774 de l'Hégire. Avant d'entamer le cours, je regarde ce que les frères et sœurs ont envoyé sur les discussions. Par rapport à Qiyam al-Layl, si on fait Tarawih et que dans la nuit on rajoute d'autres prières, ça, je pense que c'est ce qu'on a abordé hier. Et sinon, j'avais oublié de parler de ce point que le frère a mentionné, qui est, si jamais la personne, elle fait tarawih, elle fait le witr, avec lequel on boucle notre prière de nuit, et que avant le fajr, une heure, une demi-heure, elle se réveille et elle souhaite prier. Est-ce que ceci est autorisé? Naam, c'est autorisé. Comme l'ont dit la plupart des savants contemporains, entre autres, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Il est autorisé de prier, mais le witr, on fait qu'un seul witr dans la nuit. Dans une nuit, on fait qu'un seul witr. Donc quelqu'un qui a terminé sa prière de nuit avec le witr, et qui s'est réveillé par la suite, et qui a souhaité prier, ça, bien évidemment, c'est un bien. Donc il prie, mais le witr, il se contente de celui qui a fait avant de se coucher. Car le Nabi alayhi sallam a dit, la witrayni fi layla. On ne peut pas prier deux witr dans une seule nuit. Contrairement à ce qui a été dit par certains savants, qui ont dit que tu pries une deuxième raka'a, et avec l'intention que ça va faire un shafa'. Ça va rendre pair l'unité que tu as prié, et tu pries, et après tu prends un autre witr. En réalité, c'est comme si tu as prié trois witr. Donc l'avis de juste, comme le dit Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est de prier comme tu veux, autant que tu souhaites. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas limité la prière de nuit par un nombre déterminé. Dans ses hadiths, il a dit Salatul layli mathna mathna. La prière de nuit, c'est par deux unités de prière. Et prie autant que tu souhaites. Et quand tu crains l'arrivée de l'fajr, termine ta prière avec une unité de prière, ce qu'on appelle l'witr. Donc, mes très chers frères et sœurs, dans le cours précédent, on a parlé de l'hijra du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bien évidemment, les hadiths et les versets au sujet de l'hijra et des muhajirines sont nombreux. Dans les deux authentiques en particulier, il y a beaucoup de hadiths par rapport au mérite de ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qui émigrent pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour préserver leur religion. C'est un acte extrêmement méritoire dans l'islam. Et on a vu tout ce que les compagnons radiallahu anhum ont subi dans cette voie, la voie de l'émigration, et comment ils ont patienté par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'hijra, dans notre hijra, la chose la plus importante à préparer, c'est pas les moyens financiers. Certes, dans une hijra, tu as besoin d'acheter un billet d'avion, d'avoir un peu d'argent une fois que tu arrives dans le pays, surtout si c'est pas ton pays d'origine, où tu as personne pour louer, pour faire des choses. Donc tu auras besoin de moyens financiers. Mais les préparatives les plus importantes, ce sont les préparatives de foi. Tu as besoin d'une foi solide. C'est ça qui va t'aider par la grâce d'Allah Azza wa Jal dans ta hijra. Mais l'hijra en elle-même, c'est une cause de richesse. Comme Allah Azza wa Jal l'a mentionné dans son livre. L'hijra en elle-même, c'est une cause de richesse. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Nisa, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Donc dans le sens approximatif de ce verset, celui qui émigre pour la cause d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et de vastes richesses. Donc vous voyez bien que l'hijra, c'est une cause de richesse. Et il ne faut pas attendre de devenir riche pour faire l'hijra. Et combien de frères qui ont fait l'hijra en ayant des sommes extrêmement importantes, yani genre 50 000 euros, des choses comme ça, plus ou un peu moins. Et une fois qu'ils ont dépensé tout cet argent, ils sont repartis à nouveau dans des pays de kofr. Qu'Allah nous en préserve tous. Donc le hijra, avant tout, c'est une question de foi et de certitude. Et vous avez vu que les compagnons ont délaissé tous leurs biens. Il y en a même qui ont délaissé leur famille parce qu'ils n'ont pas pu les emmener avec eux. Et ça arrive à des frères et ça arrive dans les pays de kofr en général pour les sœurs. Malheureusement, on trouve que beaucoup de femmes souhaitent faire l'hijra, mais à cause de la faiblesse de leur mari, ils restent dans des pays de kofr. Et qu'est-ce que tu as à gagner, mon frère, si tu perds tes enfants? Et ne sois pas leurré par Shaitan, ils sont encore petits, ils ne sont pas encore arrivés à l'âge de l'école, c'est pas grave encore. Shaitan, il espère que tu décèdes là-bas. Qui te dit que tu vas vivre jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'âge de l'école déjà? Si tu as la garantie, vas-y, reste là-bas. Et après, fais tawba et c'est bon. Mais qui peut te garantir cela? Et pire encore, même si la mort n'arrive pas, et que tu décèdes dans un pays de kufr, dans une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, que pour certains savants, c'est une cause qu'Allah Azza wa Jalla n'accepte rien de toi, de tes œuvres pieuses. En plus de décéder dans un état de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et de délaissement de cette grande obligation de l'islam, tes enfants vont s'habituer à cette société. Et c'est arrivé à beaucoup de frères. Ils sont restés, soi-disant, jusqu'à ce que les enfants, ils arrivent à l'école. Une fois qu'ils arrivent à l'école, Shaitan, il leur dit, c'est pas grave, c'est juste la première année, la deuxième année, juste le temps d'avoir une certaine somme d'argent. Et après, c'est trop tard. Quand il demande à sa famille de l'accompagner à ses enfants, les enfants refusent. Et vous savez les droits qu'ils ont en France, qu'ils donnent aux enfants. Tu peux pas le forcer. Et après, c'est toi qui prends ses péchés. Comme j'ai entendu ça d'un homme de science, à un frère qui l'a interrogé, il lui a dit, Alhamdulillah, en France, tu vois, Yachir, moi j'ai la barre, j'ai le kamis, je fais mes 5 salawats, je mémorise le Coran, mes enfants, mais il a cité beaucoup de biens. Cheikh, il lui a dit, il a compris que c'est un frère salafi, et ce qui lui manque, c'est pas les arguments. Parce que quelqu'un qui a une certitude sur les paroles d'Allah Azzawajal et les paroles de son prophète, bien évidemment, on parle d'une grande certitude, mais un minimum, tout croyant là, sinon c'est pas un croyant. Donc, quelqu'un qui a une grande certitude sur les textes et tout ce qui a été rapporté, et l'obligation de l'hijra, il ne va pas faire intervenir la raison ici. Mais le cheikh, avec sa sagesse, a vu que cet homme, ce qui lui manquait, c'est pas les dalils. Il les connaît. Nabi Saslam se désavoue de celui qui vit parmi les koufars dans leur terre. Et les choubouhats dans ce domaine sont quasiment infinis. T'imagines, tu veux faire une grande adoration comme ça, Shaitan il va pas te laisser. Combien de frères tu les entends, malheureusement c'est des salafiyins. Il dit même les pays de l'islam, ils sont corrompus, ils sont ça. Et akhi, c'est pas ton problème. Toi Allah t'a ordonné d'aller dans un pays d'islam. Va dans le meilleur pays d'islam que tu connais et qui est possible pour toi. Et n'attends pas l'Arabie Saoudite en restant dans un pays de kufr. N'attends pas le meilleur des pays en restant dans un pays de kufr. Va vers le premier pays qui t'est possible, la première terre d'islam. Et de là, si Allah il te donne la possibilité d'aller vers un pays meilleur dans lequel il y a plus d'obéissance à Allah et plus de tawhid et plus de science, c'est meilleur. Et ça, sache que c'est recommandé uniquement et c'est pas obligatoire cette deuxième hijra. Du moment que tu es dans un pays d'islam, l'hijra ne devient plus obligatoire vers un autre pays d'islam. Mais c'est recommandé de quitter le pays dans lequel le haram est propagé vers un pays dans lequel le halal est propagé. De quitter le pays dans lequel les péchés sont répandus vers un pays dans lequel l'obéissance est répandue. De quitter le pays dans lequel on insulte les salafs, tels que des pays de Rafida ou des Shia. Donc, comme il a dit l'imam Malik, « La yahillu al-baqa'u fi ardin yusabbu fiha al-salaf ». Il n'est pas autorisé de rester dans une terre dans laquelle on insulte les salafs. Ce qu'il veut dire par les salafs, c'est les compagnons, radiyallahu anhum. Donc, je disais, l'hijra, c'est une question de foi, et non pas d'argent et de moyens. Combien de frères ont fait l'hijra, et Allah leur a facilité, alors qu'ils avaient très très peu de moyens. Et combien ne l'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui? Et c'est des gens qui ont des projets, des entreprises, de l'argent. Mais après, c'est Allah qui permet cette ni'ma et ce bien à qui il veut. Et nous, on est tenus de faire les causes. Donc, ne sois pas leurré par Shaitan. Je reste. Et après, les enfants, ils sont habitués. Tu leur dis, venez dans tel pays d'islam. Ils te disent, va toi seul. Et nous, on va rester ici. Donc, je disais que yani, ce que j'avais entendu de cet homme de science à ce frère, je finis cette histoire, il lui a dit, d'accord, tes enfants, mashallah, comme tu as décrit, toi comme tu as décrit. Il lui a dit, est-ce que tu peux me garantir qu'après ta mort, tes enfants, ils vont rester comme tu dis? Il lui a dit, d'accord, ça, on va dire que tu vas leur donner une éducation, même si tout ça, c'est pas vrai, mais supposons. Les enfants de tes enfants, est-ce que tu peux me garantir qu'ils vont rester sur l'islam et sur la foi et l'attachement à l'islam? Et il lui a dit, et après les générations jusqu'à la fin des temps. Est-ce que tu peux me garantir ça? Il lui a dit, à chaque fois qu'il y a un qui s'égare, c'est toi qui prends ses péchés. Wa'iyadu billah. T'es dans ta tombe et les péchés arrivent, des péchés comme les montagnes. Quelqu'un a apostasié. Et c'est toi la cause qui les a emmenés dans cette terre de mécréance. Et si c'est pas toi la cause, t'es né là-bas, mais c'est ton père qui t'a ramené là-bas, alors allège ton père et fais l'hijra avec cette bonne intention également d'alléger ton père. Toi, tu vas prendre les péchés, si t'as la capacité de faire l'hijra, tu la fais pas. Mais ton père, il va prendre les mêmes péchés que toi. Le premier qui vous a ramené dans une terre de kufr. Et s'il y a le fasad et la corruption dans un pays d'islam, ça reste un pays d'islam. Et il n'y a qu'un ignorant et qu'une personne qui suit le hawa pour comparer un pays d'islam avec un pays de kufr. Comme on dit les savants, le meilleur pays de mécréance n'arrive pas au pire pays d'islam. En autre terme, le pire des pays de l'islam est meilleur que le meilleur des pays du kufr. Parce que les gens, quand ils parlent meilleur, ils parlent de dunya. Ils ne parlent pas de religion. Et quand ils parlent du pire pays d'islam, il est pire. Et eux, ils visent d'abord dunya. Parce qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Et la religion, c'est en second degré qu'elle est abordée. Donc, préserve ta foi, préserve ta famille, préserve tes enfants. Si tu perds tes enfants, qu'est-ce que t'as à gagner? Qu'est-ce que t'as gagné dans cette dunya? Tu sors de cette dunya alors que t'as laissé derrière toi des enfants faibles dans leur religion. S'ils sont toujours sur l'islam. Et ça, c'est des phénomènes que personnellement j'ai constaté dans les pays de kufr. Comme j'avais affaire aux enfants en bas âge, dans les mosquées et autres, j'ai constaté ce phénomène que j'ai jamais vu dans les pays d'islam. C'est que des enfants en bas âge, ils ont des doutes au sujet de l'islam. Ils se posent des questions au sujet d'Allah que j'ai jamais entendues dans des pays d'islam. Donc c'est des ambiguïtés au niveau de la foi, au niveau d'Allah. C'est très grave. Tu les mets entre les mains de kuffar qui ont tout étudié, tout est calculé pour égarer tes enfants. Et tout est mis en place pour égarer tes enfants. Ils te disent, vos enfants, c'est vous qui les faites, mais ça vous appartient pas. Ça vous appartient pas. C'est eux qui les payent. Et les enfants, ils savent, ils entendent ces choses-là. Et après, ils vont dans les écoles, ils ont des enseignants souriants, accueillants, ils donnent des cadeaux. Comment tu veux qu'ils les aiment pas? Qu'ils n'aient pas des ennemis d'Allah et des mécréants? C'est comme si tu jettes l'enfant dans une mer totalement ligotée et tu lui dis sauve-toi, comment il va se sauver? Sauf si Allah il lui vient en aide. Voilà par rapport à ce point. Donc l'hijra, c'est très important mes frères, et c'est une des obligations fondamentales de l'islam. Et vous avez vu comment sahaba ils ont fait, ils ont tout délaissé derrière eux pour préserver leur religion. Ne te préoccupe pas de rizq. Rizq, Allah te l'a promis, te l'a garanti. Après rizq, ça peut être un mouton grillé, ça peut être un bol de soupe. Mais en tout cas, tu vas pas mourir de faim. T'inquiète pas. Allah t'a garanti rizq. Et c'est penser du mal d'Allah de croire que si tu lui obéis et tu fais le hijra, et tu délaisses dunya derrière toi, il va pas te donner de quoi être capable de l'adorer. Allah, il peut t'éprouver pour montrer ta véracité et ta sincérité dans ton hijra. Et na'am, la plupart des gens, dans les premières années, dans les premiers mois, selon les cas, ils peuvent être éprouvés. Si le hijra, tout le monde arrive et il a une fortune du jour au lendemain, qui va pas faire le hijra? Le hijra, d'abord, tu l'as fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est triste d'entendre qu'il y a des mécréants on va pas appeler ça le hijra, parce que le hijra c'est un terme religieux. C'est quand le croyant il quitte les terres de mécréance vers les terres d'islam. Mais ils délaissent leur pays d'origine, leur société occidentale dans lesquelles il y a la richesse, tout ça. Ils vont vers des pays comme les nôtres, comme le Maroc et autres. Ils vont là-bas. Et la cause, le mobile de leur hijra, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le soleil. Même avec beaucoup moins de moyens, ils sont très heureux. Et ça, c'est des histoires que je connais personnellement. Ils disent qu'ils sont très heureux, et si seulement leur famille pouvait tous les rejoindre. Ils sont sortis de la pression et du stress du quotidien qu'ils avaient en France ou autre. Et nous, on n'est pas capable de faire ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous le facilite et nous aide et nous raffermisse dans notre hijra et dans nos obéissances et dans notre religion. Donc, on a commencé par parler de l'hijra de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et quand il est arrivé à Mecca, quand il est arrivé fil Medina, alayhi salatu wassalam, et on a dit que le Hijra, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a démarré, le Hijra a eu lieu dans l'année 13 de la prophétie. L'année 13 de la prophétie, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait le Hijra en compagnie de son compagnon Abu Bakr al-Siddiq, et il y avait avec eux Amir ibn Fuhayra et Abdullah ibn Urqud, le guide, leur guide dans ce voyage, qui était mécréant. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a vu comment Abu Bakr radiallahu anhu également, dans ce voyage, comment il était avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et comment il a ramené tout son argent pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce voyage, et il n'a rien laissé pour sa famille. Il n'a rien laissé pour sa famille. Et quand ils lui ont demandé, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille, il a dit, je leur ai laissé Allah et son messager. Donc, on a parlé quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam également est arrivé fil Medina. Il est arrivé fil Medina, alayhi salatu wassalam. Tout d'abord, il s'est arrêté, la chamelle du prophète alayhi salatu wassalam s'est arrêtée à l'endroit où était construite la mosquée de Quba. Il est resté dans cet endroit 14 jours, alayhi salatu wassalam. Et c'est là où il a construit la mosquée de Quba, la première mosquée qui a été construite dans l'islam. Et après ces 14 jours, Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de monter sur sa chamelle et de la laisser marcher. Et c'est ce qu'il a fait, alayhi salatu wassalam. Comme j'ai dit, après 14 jours à Quba, il est parti avec sa chamelle et Abu Bakr radiallahu anhu. Ils sont partis et ils ont laissé la chamelle se diriger vers là où Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Et sur la route, avant d'arriver à l'endroit qu'Allah, dans lequel Allah Azza wa Jal a voulu que la chamelle s'arrête définitivement, sur la route, c'était l'heure de l'Jumu'ah, de Salat al-Jumu'ah. Et c'était dans la tribu de Bani Salim ibn Auf. Et c'est là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de l'Jumu'ah. Il a prié la prière de l'Jumu'ah dans cette tribu, qui est la tribu de Bani Salim ibn Auf. Et c'est le premier Jumu'ah que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prié à Médine. Et il a dirigé ceux qui étaient dans cette tribu, ils étaient en nombre de 100. Il y en a ceux qui étaient avec lui. Il y en a bien évidemment, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était accompagné depuis Quba avec des hommes qui ont pris leurs armes et qui se sont préparés pour la guerre. Et ils l'ont accompagné. Donc il les a dirigés tous dans cette salat. Et ils étaient une centaine d'hommes. Et sur son chemin, et après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a poursuivi son chemin. Et sur son chemin, il ne passait pas par une tribu, parmi les tribus de l'Madina, sans qu'il l'appelle à s'arrêter chez eux et à rester avec eux. Et il leur montrait leur grand nombre et leur force, et qu'ils allaient le protéger et l'accueillir de la meilleure des façons. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se contentait de leur dire, et chaque tribu prenait sa chamelle par sa muselière. Yani, avec quoi on tient un chameau, ou yani, un cheval, ou autre. Et il la prenait afin qu'ils s'arrêtent chez eux, tous ils le voulaient pour eux. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se contentait de leur dire, « Da'ouha ». فَإِنَّهَا مَأْمُورَ Laissez la chamelle, car elle est ordonnée. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal lui a ordonné et elle va s'arrêter là où Allah veut qu'il s'arrête. Et il a continué ainsi jusqu'à ce que la chamelle s'est arrêtée pour la première fois à l'endroit même où a été construite sa mosquée, alayhi salatu wassalam, la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, fil Madina. Elle s'est arrêtée à cet endroit une première fois. Mais quand elle s'est arrêtée la première fois, le Nabi alayhi salatu wassalam est resté sur son dos. Et ensuite, la chamelle s'est levée. Elle a avancé un peu, et après elle a fait demi-tour et elle est revenue au même endroit. C'est là où le Nabi alayhi salatu wassalam était sûr que c'est l'endroit dans lequel Allah veut que sa mosquée à Médine soit construite. Et dès qu'elle s'est assise à cet endroit, la deuxième fois, et que le Nabi alayhi salatu wassalam était sûr que c'est l'endroit qu'Allah Azzawajal veut pour sa mosquée, et ça c'était dans la tribu de Bani Najjar, les oncles paternels du prophète, les oncles maternels du prophète alayhi salatu wassalam, akhwaluhu, akhwal al-Nabi sallallahu alayhi wassalam. Comme on a vu, Bani Najjar, ce sont les oncles maternels de son grand-père, Abdul Muttalib, car sa mère, elle est de chez eux. Et donc, c'est l'akhwal de Nabi alayhi sallam également, par conséquence. Donc, Nabi alayhi sallam, dès qu'il s'est arrêté à cet endroit, Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, et qui est Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, s'est hâté vers Nabi alayhi sallam et vers ses affaires, et il les a descendus de la chamelle, et tout de suite chez lui. Radiyallahu anhum, qu'Allah agrée les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment il aimait le prophète alayhi salatu wa sallam, et comment quelqu'un après eux il peut prétendre aimer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme eux ils l'aimaient. Radiyallahu anhum. Donc Abu Ayyub a pris rapidement les affaires du Nabi alayhi salatu wa sallam, de sa chamelle, et tout de suite chez lui. Et il avait une maison, une petite maison, et bien évidemment leur maison, c'est une pièce. Il a ni sa maison, c'est une petite pièce. Et par-dessus, il y a un deuxième, comme une sorte de deuxième étage. Donc, il a pris les affaires du prophète, alayhi salatu wassalam, et un autre compagnon qui est As'ad ibn Zurara, lui, il a pris rapidement la chamelle du prophète, alayhi salatu wassalam. Il l'a emmené pour s'en occuper. Regardez le partage. Et la précipitation vers le bien. Al-mubadara ila al-khayr, radiyallahu anhum. Donc, et ensuite, Abu Ayyub, radiyallahu anhum, j'ai dit, il a emmené ses affaires, et ensuite, les Bani Najjar, ils disaient au prophète, alayhi salam, viens chez nous, tu vas rester chez nous. Chacun l'a invité à passer, à venir s'installer chez lui. Il leur disait, le Nabi alayhi salatu wassalam, al-mar'u ma'a rahlih. Al-mar'u ma'a rahlih. L'homme est avec ses affaires. Yani, Abu Ayyub a pris mes affaires. Il a eu cette initiative. Donc, moi, je vais aller chez lui. Là, je dois être avec mes affaires. Radiyallahu anhum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, Abu Ayyub et Ummu Ayyub, son épouse, ont eu ce grand privilège d'accueillir le prophète alayhi salatu wassalam dans leur maison. Et ils lui ont réservé, au début le Nabi alayhi salatu wassalam a demandé à Abu Ayyub de lui donner l'étage bas de sa maison. Il lui a dit, parce que c'est plus facile pour moi, les gens viennent me rendre visite, et c'est meilleur que je sois en bas, ça leur évite de monter les escaliers, et ainsi de suite. Donc, effectivement, Abu Ayyub lui a donné l'étage inférieur et lui, il est monté à l'étage supérieur. Et Abu Ayyub, bien évidemment, il a eu beaucoup d'histoires qui ont été rapportées pendant cette période que le Nabi alayhi salatu wassalam a passé dans sa maison. Et cette période était de un mois, comme l'a rapporté le Hafidh ibn Hajar rahimahullah dans Tihdhib. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam est resté un mois dans la maison de Abu Ayyub, radiyallahu anhu. Et parmi ce qui a été rapporté, c'est que un jour, Yani Abu Ayyub déjà, yani il préparait à manger. Il préparait à manger et il donnait son plat au prophète alayhi salatu wassalam. Il donnait son plat au prophète alayhi salatu wassalam, yani il lui faisait descendre le plat. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam mange avec sa famille et ensuite le reste, il le récupère Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Et quand il lui ramène le plat, il leur disait où est-ce qu'il a mangé le Nabi alayhi salatu wassalam. Il lui montre l'endroit où il a mangé alayhi salatu wassalam et il mangeait du même endroit en cherchant la bénédiction dans l'endroit dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wasallam a mangé. Bien évidemment, mes frères, entre parenthèses, et comme c'est un sujet lié au aqida, je vais le préciser ici, al-baraka dans les corps, elle est spécifique au prophète, alayhi salatu wassalam. Et les autres, les savants et les croyants, de manière générale, al-baraka qu'ils ont, c'est une baraka dans les actes, et non pas une baraka dans les corps. Al-baraka dans les corps, c'est uniquement chez les prophètes. Le prophète, Isa al-Salam, tout ce qui vient de lui est béni. Il contient une baraka. Qu'Allah Azzawajal met une baraka, qu'Allah Azzawajal met dans cette chose. Que ce soit une chose du prophète, Isa al-Salam, telle que ses cheveux, sa sueur, sa transpiration et ainsi de suite, sa transpiration qui était meilleure que le meilleur des parfums que les Arabes connaissaient. Au point où la femme, quand elle voulait se marier, elle prenait un peu de sa sueur. Yani une femme qui était autorisée à faire ça, elle lui donnait un peu de ça et elle se parfumait avec. Comme ça c'était rapporté. En tout cas, sa sueur, alayhi salatu wassalam, était meilleure que le meilleur des parfums. Et tout ce qui vient de son corps est béni. Et y compris les choses qui sont en contact avec son corps. Toute chose, les vêtements, toute chose qui est en contact avec son corps contient une baraka. Bien évidemment, il faut savoir qu'il n'y a rien sur terre aujourd'hui, rien et absolument rien qu'on puisse dire que ça provient du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il ne faut pas aller chercher des vêtements dans des pays qui sont dominés par Sophia et qui disent que c'est du prophète Aïssa al-Salam, et de croire que toucher ça, c'est une source de baraka. Non. Ça, c'est quand on a la certitude. Et il n'y a rien sur terre aujourd'hui qui provient du messager d'Allah Aïssa al-Salam avec certitude. Donc, cette porte est fermée à jamais, alhamdoulilah. Sinon, le baraka dans les corps est réservé au prophète alayhi salatu wassalam. L'endroit où il mange, il y a une baraka. C'est pour ça que vous trouvez que les sahaba n'ont jamais fait comme ce qu'a fait Abu Ayyub et bien d'autres choses qu'ils ont fait avec le Nabi sallallahu alayhi wasallam. Ils n'ont jamais fait ça avec Abu Bakr, ni avec Umar, ni avec Uthman, ni avec Ali radiyallahu anhum tous. Parce qu'ils savaient que ça c'était réservé au messager alayhi salatu wassalam. Par contre, le baraka dans les actes, tout croyant a une baraka. Il y a le baraka dans la prière. Quand tu pries, c'est une baraka. Quand tu fais qiyam al-layl, c'est une baraka. Quand tu fais une sadaqa, c'est une baraka. Tous les actes qu'Allah aime et agrée, toutes les adorations, c'est une cause de baraka. Entretenir tes liens de parenté, c'est une cause de baraka également. Donc le baraka quand les hommes après les prophètes, c'est une baraka dans les actes. Le baraka qu'il peut y avoir chez un homme de science, c'est pas en touchant son corps ou quelque chose comme ça. Des choses comme ça. Non, le baraka qu'on peut prendre d'un savant, c'est sa science. C'est ça le baraka. Et la mettre en pratique. Et un jour, Abu Ayyub a envoyé un plat qu'il a préparé chez lui. Il l'a envoyé au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et au retour, il leur a demandé où est-ce qu'il avait mangé le Nabi, alayhi salatu wassalam. Ils lui ont dit, il n'a pas mangé. Et là, il était effrayé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Nabi, alayhi salatu wassalam, n'a pas mangé? Et il était lui demandé. Il a dit au messager d'Allah, pourquoi t'as pas mangé? Il lui a dit, parce que dans ton plat, il y avait de l'ail. Parce qu'il a préparé un plat avec de l'ail. Il lui a dit, au messager d'Allah, est-ce que c'est haram? Il a dit non, mais moi je le déteste. Et Abu Ayyub, il a dit aussitôt, alors moi aussi je déteste ce que déteste le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam. Et Nabi, alayhi salatu wa salam, bien évidemment, l'ail, c'est autorisé, comme l'oignon. Mais celui qui mange de l'ail n'a pas le droit de se rendre à la mosquée pour prier en groupe, car ça fait du mal aux croyants et aux prieurs dans la mosquée. Excepté s'il mange de l'ail, bien évidemment, ça c'est quand il mange l'ail cru. Mais s'il le cuisine, il n'y a pas de mal, car, comme ceci a été rapporté dans un hadith authentique, car son effet diminue et son odeur diminue et devient très faible. Mais l'ail cru, celui qui mange l'ail cru ou l'oignon cru, il ne doit pas se rendre à la mosquée pour ne pas faire du mal aux croyants et également pour ne pas faire du mal aux anges, car tout ce qui fait mal aux croyants fait du mal aux anges parmi les mauvaises odeurs. Et l'ange, quand tu récites le Coran, il s'approche de toi tellement pour prendre de toi le Coran que sa bouche s'approche de ta bouche. Et s'il y a une mauvaise odeur, ça lui fait du mal. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait jamais de l'ail cru. Également à notre jour, Abu Ayyub radiallahu anhu, dans son étage, il y a une jarre d'eau qui s'est cassée. Une jarre d'eau qui s'est cassée. Et Abu Ayyub radiallahu anhu a pris l'unique vêtement qu'il avait en commun, lui et sa femme, pour sortir dehors. Il l'a pris, il a essuyé l'eau, yani, dans son étage, afin que ça descende pas sur le prophète alayhi salatu wassalam et que ça lui fasse mal. Et vous voyez comment ils étaient sahaba radiallahu anhum. Un seul vêtement pour sortir dehors pour lui et sa femme. Il n'avait pas deux. Il n'avait qu'un seul. Radiallahu anhum. Yani, c'est le vêtement, le tissu qu'ils mettent par-dessus. Ce qu'ils portent pour sortir dehors. Et qui les couvre, ni complètement. Ce qu'on appelle qatifa. Une nuit pendant que Abu Ayyub radiallahu anhu dormait, et ça c'était pendant les premières nuits. Pendant les premières nuits avec le prophète alayhi salatu wassalam. Pendant que Abu Ayyub dormait, il s'est réveillé en plein milieu de nuit. Il s'est dit, nous marchons sur un étage en dessous duquel il y a le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et il a demandé à sa famille de finir cette nuit sur les côtés, sur les bords. Ils se sont mis sur les bords, à côté des toits, à côté des murs, afin de ne pas être au-dessus du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et le lendemain, il est parti voir le Nabi, alayhi salatu wassalam, lui a dit, ô messager d'Allah, je ne peux pas dormir dans un endroit, yani, alors que tu es en dessous. Monte dans l'étage supérieur. Le Nabi alayhi salatu wassalam au début lui a dit, laisse-moi dans l'étage inférieur, car c'est plus facile pour moi et pour les gens qui me rendent visite. Il lui a dit par Allah au messager d'Allah, je ne peux pas être dans un étage alors que toi t'es en dessous. Et là, le Nabi alayhi salatu wassalam a accepté, il a changé l'étage, il est passé à l'étage supérieur. Et il est resté dans cet étage jusqu'à son départ vers la pièce qui lui a été construite par la suite à côté de la mosquée, de sa mosquée. Donc, commençons d'abord par la construction de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. La chamelle, quand elle s'est arrêtée à cet endroit, le Nabi alayhi salatu wassalam, il leur a demandé à qui ça appartenait cette terre. Ils ont dit que ça appartient à deux orphelins parmi les Bani Najjar. Et dans cette terre, il y avait un mirbad appartenant à ces deux orphelins. Yani dans l'un s'appelle Souheil et le deuxième s'appelle Sahm. Yani il y avait un enclos pour chameaux dans cet endroit, appartenant à ces deux orphelins. Et il leur a dit, vendez-moi cette terre. Donnez-moi le prix de cette terre, je l'achète. Ils ont dit au messager d'Allah, on va pas te la vendre. On espère la récompense que de la part d'Allah. Prends-la, gratuitement. Mais le Nabi alayhi salatu wassalam a refusé, catégoriquement. Il est resté ferme jusqu'à ce qu'ils lui ont vendu cette terre. Il l'a acheté. Et ensuite, les travaux dans cette terre, d'abord, il y avait des tombeaux d'associateurs que le Nabi alayhi salam a ordonné de sortir de leur tombe et de les enterrer plus loin. Car il n'est pas autorisé d'avoir des tombes dans une mosquée. Dans l'islam, ne peuvent pas se réunir deux choses, une mosquée et une tombe, dans un même endroit. Malgré tout ce que vous voyez dans certains pays de l'islam, même dans la plupart des pays de l'islam. Et il y avait également des palmiers qui ont été coupés et qui ont servi dans la construction de la mosquée. La mosquée a été construite avec une très grande simplicité. Des murs avec des palmiers, des troncs de palmiers ou des pierres et un toit avec des feuilles de palmiers et des choses comme ça. Donc c'était très très simple. Dans la mosquée du prophète, dans sa construction, elle était extrêmement simple. Et une fois qu'ils ont terminé la construction de la mosquée du prophète, une fois qu'ils ont terminé la construction de la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont commencé, et bien évidemment, le Nabi alayhi salatu wassalam a participé dans la construction de la mosquée. Il a participé dans la construction de la mosquée. Et la construction de la mosquée a duré à peu près 12 jours. Ça a pris 12 jours de travail acharné dans lequel a participé le prophète alayhi salatu wassalam. Et une fois qu'ils ont terminé la construction de sa mosquée, ils lui ont construit ses deux pièces à lui, ses deux maisons à côté de Masjid Nabawi. Et ils lui ont construit deux pièces parce qu'il avait deux épouses, alayhi salatu wassalam. Quand il est venu à Medina, il était marié avec Saouda bint Zam'a, radiallahu anha, la mère des croyants, et il était marié avec Aïcha, radiallahu anha, la mère des croyants. Et c'est pour ça qu'ils lui ont construit deux petites pièces à côté, voisines de la mosquée, pour lui faciliter l'accès à la mosquée de sa pièce. Et les pièces du prophète, alayhi salam, également étaient d'une grande simplicité. Le maître des fils de Adam, le meilleur homme qu'Allah a créé, même la meilleure créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, la pièce dans laquelle il dormait, elle faisait à peu près 6 à 7 coudées. Et en longueur, elle faisait 10 coudées à peu près. Donc, en mètres, ça faisait à peu près 5 mètres de longueur par 3 mètres 50 de largeur. Donc c'est une petite pièce dans laquelle vivait le Nabi alayhi salam et dans laquelle le toit de ces pièces était pas très élevé, comme a été rapporté par Al-Hassan al-Basri rahimahullah, qui était avec la mère des croyants Umm Salama dans la pièce du prophète alayhi salam quand il était adolescent. Il disait qu'il touchait le toit de la maison du prophète avec sa main. Donc un adolescent, il touche le toit, ça veut dire il n'est pas très élevé. Et ils l'ont construite avec les mêmes matériaux que la construction de la mosquée. Et Le tapis que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam mettait dans sa pièce, c'était un tapis avec un hasir, fait avec, comme le tapis de bambou que vous connaissez, fait avec des parties de palmier. C'est ce tapis qu'avait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans sa pièce. Et il avait une couche pour lui et une couche pour Aïcha radiallahu anha. Deux lits, petits lits, une personne séparée. Et son lit était fait, séparé. C'est pour ça que vous lisez dans l'Ahadith que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam appelait Aïcha radiallahu anha à sa couche. Quand il avait besoin d'elle, radiallahu anha, il l'appelait dans sa couche. Et il y a des sagesses comme ça dans ces choses-là. En tout cas, c'était une coutume chez les Arabes. C'était ainsi. Donc, je disais que le lit sur lequel dormait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était fait avec des branches de palmier. Avec des branches de palmier. Les branches desquelles on a retiré les feuilles. Ça s'appelle le jarid. Et le tapis, il est fait avec sa'af. Et vous imaginez un matelas avec des branches de palmier. Comment ça doit être dur? Par contre, le tapis, on l'a essayé au Maroc. C'est encore fréquent aujourd'hui, les tapis comme ça. Surtout dans les anciennes mosquées au Maroc, à Casablanca, les mosquées anciennes, vous trouvez qu'ils mettent encore ces tapis. Et subhanallah, tu fais une seule salat, tu sors avec les traces au niveau du front et au niveau de toutes les parties sur lesquelles tu te prosternes. Imaginez quelqu'un qui dort tout le temps, qui se met tout le temps sur ce genre de tapis. Alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que ça laissait des traces dans le corps du prophète alayhi salatu wassalam, comme ceci a été rapporté. Et l'oreiller qu'avait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était en cuir, un extérieur en cuir, et l'intérieur était rempli avec des fibres de palmier. Vous voyez que la plupart de ce qu'ils avaient, c'était à base de palmier. Leur nourriture, leur lit, leur matelas, leur maison, tout est fait avec des choses, qui sont prises des palmiers. Et pendant ce mois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a passé chez Abu Ayyub radiallahu anhu, avant la finalisation de la construction de la mosquée et de ces deux maisons, ces deux pièces, hujurat, bien évidemment, il ne passait pas une seule journée sans que trois ou quatre parmi l'Ansar viennent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ramenant à manger de chez eux et en lui offrant à manger de chez eux. Et comme je vous ai dit, les deux pièces du prophète alayhi salatu wassalam étaient construites parce qu'il n'y avait que deux épouses. Et le Nabi alayhi salatu wassalam est décédé en ayant 9 épouses. Et les autres pièces ont été construites au fur et à mesure, à chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam épousait une parmi les mères des croyants, il lui construisait une pièce à côté. Et elles étaient alignées toutes et proches, donnant sur la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam et donnant sur la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Et bien évidemment, ces pièces étaient à l'extérieur de la mosquée et ça donnait sur la mosquée. Et la première fois qu'elles étaient introduites dans le mur qui entoure la mosquée, c'est à l'époque de l'Walid ibn Abdel Malik. C'est à son époque, parmi les Banu Umayya, ça a été construite à cette époque et introduite à cette époque parce qu'ils ont voulu élargir la mosquée. La mosquée n'a pas été élargie à l'époque de Abu Bakr, il l'a laissée telle qu'elle est. Umar radiallahu anhu l'a élargie du côté de a élargi la mosquée d'un seul côté. Et Uthman radiallahu anhu, après lui, l'a élargi de plusieurs côtés, des trois côtés, excepté le côté dans lequel il y avait les pièces du des maisons de les pièces des épouses du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à l'époque de Walid ibn Abd al-Malik qui est le fils de Abd al-Malik ibn Marwan. Marwan c'est Marwan ibn al-Hakam. Donc jusqu'à l'époque de Walid ibn Abd al-Malik, c'est lui qui a ordonné d'élargir la mosquée et également de ce côté-là. Et ils l'ont élargi et le mur de la mosquée a englobé cette fois les pièces des épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Et les hommes de science n'étaient pas d'accord sur cela, mais afin de ne pas créer une fitna, ils ont préféré le moindre mal que de tomber dans le plus grand mal. Et malgré que ça a été englobé, c'est resté. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam, sa tombe, elle est restée dans sa maison et non pas dans la mosquée. Sa maison qui est complètement fermée à la mosquée. Mais malgré ça, pour des gens qui ont des choubouhats et des ambiguïtés, ça peut être une cause de tentation pour eux. Et quelqu'un qui prie dans la mosquée du prophète alayhi salam, il ne peut jamais être en direction de sa tombe. Car elle a été protégée avec un mur triangulaire. Avec un mur triangulaire. Une fois que sa maison était finie, le Nabi alayhi salatu wassalam est passé dans ses pièces avec ses épouses et s'est installé. Et dès son arrivée à Medina, et après la fin de ses travaux, il a signé des pactes de paix et de trêve avec les juifs de Medina. Avec les juifs de Medina. Et très peu parmi les juifs sont entrés dans l'islam. À leur tête, un de leurs plus grands savants, Abdullah ibn Salam, dans une histoire très connue, quand il est entré dans l'islam et qu'il a témoigné en la véracité du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, Nabi alayhi salatu wassalam voulait informer les juifs de cette bonne nouvelle. Peut-être il sera exemple pour d'autres, car c'était quelqu'un parmi les plus nobles et les plus savants parmi eux. Il a dit au messager d'Allah, ne le fais pas. Attends qu'ils viennent et demande-leur ce qu'ils pensent de moi. Quand ils sont venus, il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez de Abdullah ibn Salam? Ils ont dit, c'est le meilleur d'entre nous. Le fils du meilleur d'entre nous. C'est le plus grand savant parmi nous. Le fils du plus grand savant parmi nous. Et ils n'ont cessé d'énumérer ses qualités. Et après, Abdullah ibn Salam est sorti. Il leur a dit, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah. Et tout de suite, na'udhu billah, wallah al-musta'an, had li yahoud, qatalahum Allah. Tout de suite, ils ont dit, ils ont inversé. Ils ont dit, c'est le pire d'entre nous, le fils du pire d'entre nous. C'est le plus ignorant parmi nous, le fils du plus ignorant parmi nous. Et ils ont transformé toutes les qualités qu'ils ont citées auparavant en des défauts. Wal'iyadu billah. Mais Abdullah ibn Salam les connaissait. Et il voulait iqamat al-hujja sur eux. Alors que le hujja est déjà fait contre eux. Yani, quand ils ont vu le Nabi alayhi salam, tout de suite ils ont su que c'était le messager d'Allah alayhi salam. Comme c'était le cas du père de Safiya radiallahu anha. Qui allait être l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Quand le Nabi alayhi salatu wassalam est arrivé à Medina, son oncle est venu voir son père, qui était un des plus grands savants. Et son père lui a dit à son oncle, est-ce que tu l'as vu? Il a dit oui. Il lui a dit, c'est lui? Il lui a dit, na'am, c'est lui. Il lui a dit, l'oncle a demandé au père de Safiya radiallahu anha. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il lui a dit, je vais le détester tant que je suis en vie. Et je vais le haïr jusqu'à la fin de mes jours. Et subhanallah, cette parole était bénéfique pour Safiya radiallahu anha. Allah guide qui il veut. Et c'était une cause de sa guider. Pas maintenant. Quand Nabi alayhi salatu wassalam a combattu sa tribu et que son père a été tué dans ce combat, Subhanallah, elle a été prise parmi les prisonnières de guerre. Et c'était dans la part du prophète alayhi salatu wassalam, et elle est entrée dans l'islam par cette cause que je vous ai citée. Et le Nabi alayhi salatu wassalam l'a épousée et l'a affranchie, et c'est une des meilleures des croyants, radiyallahu anha wa ardaha, malgré que les muslimines ont tué son père, elle est entrée dans l'islam. Radiyallahu anha. Et ça, c'est arrivé à beaucoup de femmes et d'hommes. Donc les juifs, ils savent, comme Allah les a décrits dans le Coran, ils savent que l'islam, c'est le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Mais ils ont refusé de le suivre, parce qu'il n'est pas des leurs. Et quand Allah il leur envoyait des prophètes d'eux-mêmes, il les tuait, il les insultait, et il disait d'eux que personne n'a jamais dit des prophètes, comme a dit Ibn Hazm, rahimahullah. Donc le Nabi alayhi salam, dès son arrivée à Medina, il a signé des pactes de paix et de trêve avec les juifs. Si on veut les appeler aujourd'hui, on va dire c'est comme des règles de citoyenneté, entre parenthèses. Ça veut dire que ça va être des citoyens de Medina. Ils vont avoir leurs droits et ils vont avoir leurs devoirs vis-à-vis de Medina également. Dans sa protection, ils seront ensemble et ils vont avoir leurs droits, entre autres pratiquer leur religion librement chez eux, dans leur lieu de culte, et non pas dehors et à l'extérieur, et ne pas montrer quelque chose qui s'oppose à l'islam à l'extérieur. Et l'islam leur donne le droit de pratiquer leur religion dans leur lieu de culte. Bien évidemment, ça c'est quand l'islam arrive dans une terre dans laquelle il y a des synagogues, des cathédrales et des églises. L'islam ne leur donne pas de les détruire, de les garder, mais il interdit de construire des nouvelles. Mais ce qui existe déjà, l'islam n'ordonne pas de le détruire, il le garde, et il leur autorise à pratiquer leur religion dans leur lieu de culte, en cachette, et pas devant le musulmane, d'or, et de ne rien montrer de ce qui s'oppose à la religion de l'islam. Peut-être vous avez compris la sagesse. La sagesse, parmi les sagesses, sont très nombreuses. Bien évidemment, chaque chose qu'Allah légifère, il y a des sagesses. Parmi les sagesses, c'est que le nombre de ces lieux de culte ne va pas augmenter. Il va rester fixe, et même, il va baisser. Et ces gens-là, le fait de rester parmi les musulmans, ils vont devenir des musulmans par la suite. Sauf ceux qui sont voués à la perdition, et qu'Allah n'a pas voulu guider. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, parmi ce qu'il a fait de très très important, c'est qu'il a fraternisé entre chaque muhajiri et un parmi l'ansar. Il a mis en place cette relation de fraternité entre chacun parmi l'ansar et le muhajirin. Le muhajirin, bien évidemment, qui arrive à Médine, les mains vides, ils ont tout laissé derrière eux. Ils arrivent vers leurs frères de Medina, les auxiliaires qui vont les accueillir, et ils ont donné des grandes leçons pour l'humanité jusqu'à la fin des temps, dans le sacrifice, et dans l'entraide, et dans le soutien, tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les histoires très marquantes, celle de Abdurrahman ibn Auf avec un parmi l'Ansar, Sa'd ibn al-Rabi' radiyallahu anhu, entre lesquels Nabi alayhi sallam a fraternisé. Et Sa'd radiyallahu anhu, dès que Abdurrahman est arrivé, il lui a dit: regarde, voilà tous mes biens, tout ce que je possède. Et c'est un homme aisé. Il lui a dit: voilà tout ce que je possède, et en plus j'ai deux femmes. Regarde celle qui te plaît parmi les deux, je la divorce et tu l'épouses. Et mes biens, je te donne la moitié de tes biens, de mes biens. Ne sois pas déçu si tu vas dans un pays d'islam et que tu n'as pas droit à des choses comme ça. Allah te donnera une grande récompense, inshallah. Au contraire, fais attention à tes biens. Et ne sois pas naïf. Et fais attention à tes biens. Et à ta famille, à tes enfants. Et renseigne-toi avant de rentrer dans des affaires avec des gens là-bas. Et ça, c'était déjà à l'époque, vers la fin de l'époque de Sahaba, radiallahu anhum. Il disait que avant, on faisait du troc avec n'importe qui, sans savoir qui il est. Tout le monde, yani, était digne de confiance. Et ils ont dit, par contre, maintenant, je ne fais du troc qu'avec un tel et un tel. C'est-à-dire, je regarde avec qui je fais du troc. Et comme vous savez, le mensonge dans les ahadiths, c'est apparu dans la période de Tabi'in, que, yani, a commencé les premières règles de cette science et qu'il commençait à vérifier de qui il prenait. Alors que quand c'était l'époque de Sahaba, radiyallahu anhum, Sahaba sont tous dignes de confiance, radiyallahu anhum. Donc, Abdurrahman ibn Auf également, si Sa'd, radiyallahu anhum, a fait preuve de générosité comme on a vu, Abdurrahman ibn Auf n'a pas dit, vas-y, donne-moi, ya Allah, bismillah. C'est une bonne occasion, ça. Il a dit, barakallahu laka fi malika wa ahlik. Qu'Allah te mette de la baraka dans ta famille et dans tes biens. Montre-moi où se trouve le marché. Et Abdurrahman ibn Auf, c'était un commerçant, radiallahu anhu. Il est parti dans le marché, il achetait, il revendait. Peu de temps après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a aperçu avec un peu de za'faran. Et il a compris qu'il s'était marié. Et que ce sont les traces de ses nuits de noces et de son mariage et de sa consommation de mariage. Et il lui a demandé, tu t'es marié, na'am. Qu'est-ce que t'as donné en dot? Il a dit, il y en a à peu près comme un petit œuf en or. Yani, c'est une grosse dot qu'il a donnée, radiallahu anhu. Et il a égorgé, yani, un mouton pour son mariage, radiallahu anhu. Et Allah leur a donné le rizq, et leur a ouvert les portes de rizq, yani, fil Madina. Et dans ces liens de fraternité, c'était tellement des liens forts que l'un héritait de l'autre. Et ça, c'était au début de l'islam. Mais une fois qu'Allah Azza wa Jal a par la suite, ça a été abrogé par les règles de l'héritage. Et que l'héritage, c'était entre les gens entre lesquels il y a une des trois choses qui sont des causes d'héritage. An-nasab, an-nikah, ou al-itq. Lien de parenté, mariage ou affranchissement. Donc c'était uniquement par, ni l'héritage était par ces voies, et l'héritage par fraternité était abrogé, et ça c'était uniquement au début de l'islam. Et ensuite Allah Azza wa Jal, également parmi les premières législations fil Madina, c'est qu'Allah Azza wa Jal, comme il dit Ibn Kathir rahimahullah ici, il dit qu'Allah a prescrit la zakat et a rendu obligatoire la zakat par clémence et miséricorde vis-à-vis des émigrés. Comme l'a dit Ibn Hazm dans son tarikh, son histoire. Et certains parmi, donc toujours la parole d'Ibn Kathir, certains parmi les grands savants du hadith, ils ont dit, ça nous a fatigués de savoir à quelle date la zakat était prescrite. Yani, c'est un sujet, yani, qui n'est pas très clair et très évident. Mais Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il dit que l'avis le plus juste par rapport à la zakat, c'est que ça a été prescrit à Mecca. mais la détermination des seuils et des biens desquels on sort la zakat et de la quantité qu'on sort de chaque bien et les gens qui méritent la zakat, tout ça n'a été déterminé que fil Medina, dans la deuxième année de l'immigration. Et ça, c'est l'avis le plus juste. Donc, zakat a été prescrite dans des versets, mais n'a été déterminée et détaillée que fil Medina. Voilà pour aujourd'hui. Dans le cours de demain, nous allons voir encore quelques prescriptions qui ont eu lieu dans le début de l'islam, fil Medina, pour entamer la partie de Al-Ghazawat, les batailles du prophète alayhi salatu wassalam. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous raffermir sur sa religion et de nous accorder la science bénéfique et profitable et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables. Hadha wallahu a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته